Bienvenue à cette conférence ayant pour titre « Le Graal est-il au Québec? » Que nous saurons peut-être la semaine prochaine. J'ai écouté un film après-midi. Les questions vont être si mauvaises que ça. On n'arrivera pas à répondre. J'ai écouté un film après-midi, puis je me suis noté quelques questions. Ça s'appelle Excalibur. À un moment donné, Arthur dit « Seul le Graal fera remettre la feuille et la fleur. » Je me suis demandé si la feuille et la fleur, ça pourrait pas être la feuille d'érable et la fleur de lys. C'est parti au Québec, au Canada. Mais c'est moi pour qu'il réponde. Ouais, c'est pas une réponse que je dis. Je me suis posé la question. Ouais. Faut que tu me demandes qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ça, c'est la feuille. Alors la feuille, c'est la feuille d'érable, et puis la fleur, c'est la fleur de lys. Voilà. Ah. Ça veut dire que le Graal, c'est vraiment au Québec. Il savait ça maintenant à la table ronde. Bon, ben oui, le Graal, c'est au Québec. Bon, on peut passer au prochain titre. C'est quoi la semaine prochaine? C'est que le Christ a vraiment dit. On parle de lui. Ça va être trop long, c'est la semaine prochaine. Je parle un peu, Simon, je passe ton micro. Parce que je m'entends, puis. L'écho de Simon est divers. Ton micro. J'ai pas une belle voix, ça, je fais plus tantôt, mais j'ai plus de place. Est-ce que c'est par rapport à ces réincarnations d'eau, tu penses que le Graal ou que tu dis premièrement, oui, le Graal est au Québec à cause que le Graal s'est incarné au Québec. C'est réincarné au Québec. Et parce que le Graal, évidemment, c'est plusieurs choses. Le Graal, c'est la coupe dans laquelle Joseph d'Arimathée a récupéré le sang du Nazaréen lorsque Caius Longinus a enfoncé sa lance. Cassius a enfoncé sa lance encore dans le côté dans le cœur du Nazaréen. Alors ça, c'est le premier Graal, c'est-à-dire que c'est une énergie christique, c'est de l'intelligence supramentale, donc de l'intelligence instantanée, de l'intelligence active. Et c'est, si on parle, le premier Graal, ça a été le Christ, ça a été le Nazaréen, ce qui fait que le premier Graal a donc été Jésus aussi. Alors, si on parle du Graal comme étant simplement ce qui amène le savoir instantané, lui-même pourrait dire la connaissance absolue, mais la connaissance absolue, c'est la mémoire absolue, ça n'existe pas. La mémoire ne peut pas contenir le présent, l'avenir et le passé à travers une création. Alors, le Graal, du point de vue humain, il est réincarné au Québec. Le Graal aussi, c'est ce savoir instantané. C'est plusieurs choses que je vais te laisser justement me poser des questions pour que je t'y dise. Les meilleures pannes, tu vas être surpris. Je dis tout de même, il fait comme si ça va tout, puis ça, c'est comme ça si c'était la main, mais quand il pose des questions, c'est ça, là, il rougit des fois. Puis c'est ça. Alors, le Graal est donc, du point de vue humain, réincarné au Québec, ce qui fait que nécessairement le Graal est au Québec. Symboliquement, la coupe qu'on a... La coupe a été... Bon, symboliquement, la coupe, qui à un moment donné a appartenu aux Templiers, qui a appartenu évidemment à Arthur et à son groupe, la coupe elle-même, elle est au Québec, parce que certains chevaliers de l'Ordre du Temple, écossais surtout, sont venus au Québec avec les Vikings, avec les hommes du Nord, avec les Normands, et ils sont venus, puis ils ont caché au Québec une partie de leur trésor du point de vue financier, et nécessairement la coupe. Et quand les gens me demandent toujours, « Monsieur Kem, votre nom, si on met un T, est-ce qu'on met un S? » Je dis, « Non, c'est pas allemand, c'est pas anglais, c'est écossais, Kem, c'est écossais. » Et puis, avec un peu d'irlandais dans le mélange, puis c'est bon, écossais. Mais c'est ce qui arrive, on peut réincarnatif, on se suit un peu partout. Avant d'arriver dans le temps d'Arthur et des Templiers, la coupe, c'est celle que Joseph d'Arimathée a utilisée, mais est-ce que c'était aussi la coupe qui a servi au dernier repas là, de Jésus, oui, c'est ça, la même coupe dans laquelle il a bu? Oui, c'est la coupe dans laquelle il a bu. C'est la coupe, c'est ça, il y avait trop bu, fait qu'on l'a repris. Parce que dans un autre film où il parle du Graal, c'est la dernière... comment t'appelles ça, non? Merci. La dernière croisade de Indiana Jones. Ils font choisir à la fin entre différentes coupes. Il y en a des belles en or, il y en a terre cuite. Moi, quand j'ai vu le film, à un moment donné, je me suis dit, pour que le scénariste... Si le scénariste était un petit peu branché, c'est évident que la coupe la plus laide, c'est la bonne. Parce qu'à l'époque, on faisait des coupes n'importe comment dans du bois d'olivier ou des affaires comme ça, toujours un petit peu tout croche. Et puis, par contre, le public, puis dans tous les films qu'on a pu voir à un moment donné sur le Graal, la coupe, elle est toujours soit en argent, soit en or, elle est, bon, certes de diamants, des choses comme ça. Comme si, à l'époque, le Nazaréen, pauvre comme Crésus avant sa naissance, bon, le Nazaréen est extrêmement pauvre, il se promène à dos d'arde, il se promène nu-pied, ils sont habillés comme même guenilles depuis 30 ans. Puis là, à un moment donné, ils vont manger autour d'une table. Et puis, la coupe qu'ils ont pour boire là-dedans, ben, c'est une coupe en argent, qu'on ramasse, on sait pas trop où, tu sais. les orfèvres, à l'époque, c'était pas fort, hein. On n'était pas capable de fabriquer des choses aussi jolies. Pas dans le peuple. Alors, c'est évident que la coupe, c'est une coupe qui n'a aucune valeur matérielle. Alors, nécessairement, le bonhomme était plus que branché. Puis, en plus, c'est des frères templiers qui l'ont amené. C'est... Je sais pas s'il va vivre longtemps, ce scénariste-là. C'est efficace, en tout cas. Scénariste, dans son film, dit à un moment donné, ben, c'est pas lui qui le dit, c'est l'acteur, le père d'Indiana Jones, qui dit que la quête. Non, James Bond. Ouais, James Bond réincarné en père d'Indiana Jones. Ah, ouais, ça. Qui dit que la quête du Graal, c'est pas de l'archéologie, c'est pas des recherches, c'est d'essayer de détruire le mal. Est-ce que tu peux. Effectivement, la quête du Graal, ce n'est effectivement pas de l'archéologie. Ceux qui recherchent archéologiquement, donc qui recherchent dans le passé ou des vestiges du passé pour prouver que tel ou tel personnage a existé, ne font pas de quête du Graal, ils font une recherche du Graal. Alors, effectivement, le bonhomme a raison. Donc, le scénariste a raison. C'est effectivement une lutte contre le mal. Qu'est-ce que c'est le mal? Et là, nécessairement, on ne le définira pas convenablement. Le mal chez l'humain, c'est plusieurs choses. Premièrement, le mal fait partie intrinsèque de toutes les structures religieuses. Le mal est béni par les religions. Bon. Alors, pourquoi le mal est béni par les religions? Parce que le mal, c'est ce qui permet aux gens spirituels de rester du côté de Dieu. Ça, c'est mal? Non. C'est que Dieu se sert du mal pour dire aux gens de venir. Vous savez, c'est comme si moi, je suis le bien, puis si vous ne m'écoutez pas, ben mes serviteurs vont vous fouetter puis ils vont vous tuer. Ça, c'est le mal. Fait que vous avez le choix. Vous allez vers le mal ou vous venez vers moi. Mais c'est moi qui contrôle le mal. Le mal, il bénit le mal, il a besoin du mal. S'il n'y aurait pas de mal, le monde dirait ce qu'il voudrait s'il n'a pas les religions. Il n'y aurait pas besoin des religions nécessairement. Parce que les dieux, c'est comme les gouvernements, c'est toujours en train d'entretenir les situations planétaires qui nécessitent leur présence. Ça règle jamais rien un gouvernement ni un dieu. Ça entretient des situations planétaires ou psychologiques humaines qui nécessitent la présence des dieux. On a eu la preuve avec le budget hier. Évidemment, on va avoir besoin du Parti libéral parce qu'ils sont bons en finance, mais ils entretiennent simplement. Ça a toujours été comme ça. Ils sont bons, d'autres. Oh, ouais. Quand tu changes de gouvernement, ben, plus ça change, plus c'est pareil. S'il y avait vraiment un bon gouvernement qui réglerait les problèmes économiques, les problèmes sociaux, on n'aurait plus besoin. Non, mais il n'y aura pas un bon peuple. Le peuple, il éliminerait pour ramener un gouvernement qui va ramener des problèmes, puis après ça, on pourrait le ramener. Oh, c'est la politique humaine, c'est un peu compliqué. La démocratie, de toute façon, c'est toujours l'imbécilité portée au pouvoir. Parce que c'est les masses qui décident. C'est une problématique. Alors, ce qui arrive donc avec le Graal, c'est qu'on parle du mal. Le mal, qu'est-ce que c'est le mal? Ben, le mal, nécessairement, ça va être la haine, ça va être la jalousie, ça va être la colère, ça va être ce qui draine de l'énergie dans le corps vital de l'humain pour créer des structures psychologiques, des concepts spirituels, des concepts psychologiques dans l'astral, dans la psychologie. Alors, le mal, c'est une chose. Le mal, ça veut dire quoi? Le mal, c'est la pensée. La pensée, c'est mal. Quand le Nazaréen, il disait, c'est pas de coucher avec une femme qui ça, c'est pas correct. Mais il y a de penser à coucher avec la femme. Même ça que le monde qui disait ça, le monde qui comprenait pas ce qu'il voulait dire à l'époque avait des mots de problème. Mmh. Merde, j'y ai pensé. Bon, ben bon, je suis pas après qu'il y avait passé. Il faut y aller, c'est pas peine de. Bon, c'est vrai, vous avez pensé à voler en prison de 15 ans. Tant qu'à y être volé, puis essayer de vous en sortir. Bon. Mais c'est pas ça, c'est que la pensée, elle est le mal. Parce que l'homme, la femme, l'enfant pense qu'il pense. Il n'y a personne qui pense aussi. Bon. Le mal, c'est quoi? C'est que tu viens pour te coucher, tu veux dormir, ça pense dans ta tête, on t'empêche de dormir, c'est mal. L'être humain, hein, le dieu humain, la déesse humaine, puis le déonceau, la déoncelle, humain. Bon. L'humain ne doit pas vivre une vie où il ne peut pas dormir. T'sais, il n'est pas nié qu'un corps physique qui a besoin de sommeil parce qu'il est obligé par le corps astral dans la journée. Alors lui, il part faire des rails, il part en voyage astral, en extra conscientisation. Puis en plus, la pensée continue à cheminer, puis on l'empêche de. L'humain, il y a un accident avec son automobile, après ça, il rembarque dedans, puis il a peur tout de suite. La pensée a vomi dans sa tête. Ça, c'est le mal. La pensée, c'est le mal. Pas la pensée de coucher avec une femme ou de coucher avec un homme. C'est pas le fait de penser qui est mal, c'est la pensée. La pensée est mal. Mais justement, mais le fait de penser, ça ne nous regarde pas. Le fait de penser qu'on pense, quoi. Ça, c'est une limitation. On peut dire c'est mal aussi. Mais parce que le mal ne doit pas conserver la valeur émotive que les théologies lui ont donnée. On pourrait dire le mal, c'est les choses inécologiques. Alors, le fait que l'humain pense, par exemple, à faire un vol ou à faire un viol, la pensée, c'est le mal. Mais l'humain n'a pas le choix de penser à ça. L'humain n'est pas coupable. Quand le Nazaréen, puis avant de s'en aller, il dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Évidemment, les gens, dans leur pensée, sont tous sûrs de savoir ce qu'ils font. Non, la pensée, c'est de l'astral, ce qui manipule l'humain. C'est pourquoi il l'offre. On pourra en parler souvent, j'en parle souvent longuement dans les séminaires. C'est l'une des premières croûtes qui doit tomber de l'ego. Le mal, c'est la pensée. Le mal, c'est la pauvreté. Le Graal, c'est la richesse. Le Graal, ce n'est pas la pauvreté, le Graal, c'est la richesse. Si tu te réfères un peu à l'époque d'Arthur, tant qu'ils ont le Graal, la terre, unifiée sous le règne d'Arthur, les plantes poussent, les cultures sont fructifient, la richesse domine le royaume, les armures sont des armures propres et nouvelles, peut-être qu'il y avait une porte en avant, parce qu'à l'époque, les chevaliers étaient pissés dans leurs armures, c'est trop long, t'sais. Alors, ils ont peut-être modernisé un peu, parce que souvent, là, quand on voit ça dans les films, c'est très très très beau, mais on dit franchement, les châteaux étaient humides, puis les armures étaient humides aussi. Ils étaient rouillés par en dedans, souvent. Ça grinçait, mais en tout cas. Il y avait des petits détails comme ça qu'on ne sait pas si nos chevaliers... C'est plus chaud. Ouais, ça tenait, en tout cas, je sais pas trop, mais... Alors, ce qui arrive, c'est qu'à l'époque d'Arthur, à l'époque où le Graal était leur possession, ben, tout allait bien. Le royaume allait bien. Les paysans, les paysannes, tout allait bien. La finance allait bien. Le Graal, c'est la richesse. Mais pourquoi ils l'ont perdu? Parce qu'à un moment donné, ils sont devenus mal. Mais comment ils sont devenus mal? Ils ont commencé à penser. Avant, ils ne pensaient pas. Il n'y avait pas le temps de penser, c'était la guerre. Puis en temps de guerre, un chevalier qui gagne ne pense pas. Essayez de jouer au baseball, puis quand on vous lance la balle, de penser voir si vous tapez comment, ou que t'sais. Vous allez ramasser à trois prix, ce sera pas long, ça allait être fini. Alors, ce qui arrive, c'est comme quand on joue au tennis. On joue au tennis ou au badminton, vous n'avez pas le temps de penser. Vous agissez. L'agissement, c'est l'accomplissement. L'accomplissement, c'est l'expression spontanée de quelque chose. D'une énergie qu'on peut appeler la vie. La vie, c'est de l'énergie vitale, puis on est tout près du phénomène supramental. Mais si on commence à réfléchir, ah, tiens, il vient lancer par là, moi, c'est trop tard, t'as pas le temps de la penser. La ouais. Pensée ne rend pas l'humain efficace. Quand t'as une épée qui s'en vient, tu... Voilà. Quand tu as à te battre, ben tu te laisses battre, hein? Tu te laisses battre, tu te laisses pas battre. Mais tu te laisses battre. Tu te laisses aller à te battre. Oui, c'est quelque chose qui vient se battre chez toi puis qui va. Alors ce qui va arriver, c'est que pendant l'époque où Arthur va réussir progressivement, premièrement, il va être sacré roi, hein? Après, ça va être un sacré roi, justement, jusqu'à temps qu'il perde le Graal. Alors ça va bien. Pourquoi ça va bien? Parce que quand ça va mal sur la Terre, l'humain arrive souvent au maximum de sa performance quand les choses sont au plus mal. Alors, à l'époque, tout allait mal. Les individus se détestaient alors que, réincarnationnellement parlant, ils s'étaient déjà connus. Donc, ils se disaient tous, écoute, on c'est ridicule. En plus, tous les petits monarques de l'époque, à travers les Bretagnes, voulaient avoir une terre unie. Donc, tout le monde est d'accord pour la même chose. Ils ont fini par aller avec Arthur, bon, par un paquet de péripéties qu'on laissait tomber, et progressivement, parce qu'ils devaient repousser les Normands, repousser ceci, repousser cela, annexer des terres, aider les paysans, parce qu'à l'époque, les chevaliers aidaient les paysans, on gérait carrément le royaume, c'était correct. À un moment donné, la table ronde, évidemment, elle était là, les chevaliers venaient compter leurs exploits. Compter leurs exploits, est-ce qu'ils venaient compter leurs exploits ou s'ils venaient simplement faire des réunions pour communiquer leur expérience? Dans telle région, on a eu il y avait des inondations sans arrêt. Puis là, ce qu'on a fait, c'est des exploits. Mais c'est des exploits de chevaliers dans le sens noble du terme. Et à un moment donné, la paix est arrivée. Puis la paix, il n'y a rien de plus dramatique pour l'animal humain. C'est ce que l'humain, l'être humain, recherche. Pour l'animal humain, c'est un mot du problème, la paix, parce qu'il cesse d'évoluer, puis il cesse de se conscientiser quand la paix arrive. Quand le royaume était en paix, tout à la bête. Les chevaliers venaient se pointer autour de la table ronde, il n'y a plus rien de fondé. Il disait, ben ouais, tu rappelles-tu à l'époque, là, quand on faisait, ils commençaient à parler du passé. La chasse au dragon. Ouais. Commençant à parler du passé, ils ont commencé à se connecter à la mémoire. Les Bretagnes n'avaient jamais été unies. Pour unir, pour annexer, pour irriguer, pour bâtir un pays riche à partir d'une île, imaginez l'Angleterre. C'est absolument impossible. Il faut être stupide pour penser faire de l'Angleterre une nation. C'est qu'il fait froid, c'est brumeux. Pas à cause de pollution, maintenant, c'est plus que brumeux, c'est gluant. Mais c'était brumeux à l'époque. C'était un style. Tout le monde se bat, tout le monde se déteste. La France est rendue là. C'est tout un manchot. Les Normands sont juste en haut. Mais Joseph d'Arimathie était quand même allé porter le Graal à l'île de Man, qui est juste à côté. Ouais, mais il l'a fait en Espagne. À l'île de Valon. L'île de Valon. Mais l'île de Valon n'existe pas. Elle était là. Mais elle n'existe pas. Alors, ce qui arrive, c'est que la richesse est arrivée. C'est apparu. Tout était parfait. Les gens exprimaient le savoir instantané, c'est-à-dire qu'ils disaient pas comment ils ont fait la telle place, comment que non, ils allaient, les chevaliers, puis ils innovaient, ils créaient. Les chevaliers se réunissaient dans le bois à un moment donné, puis il y a une personne qui disait, écoutez, à telle place, on a tel problème. Fait qu'il y en a un qui disait, ouais, ben, faudrait qu'on règle ça. Fait que l'autre disait, oui, mais on n'a pas vu la place. Fait qu'il y en a un qui disait, parfait, bon, ben, toi, puis toi, vous allez aller voir, vous allez nous faire un rapport. Les deux qui avaient été désignés, ils disaient pas, ouais, mais nous autres, on est tannés, ça fait longtemps que. Ils se levaient, ils embarquaient sur le cheval, puis ils décollaient. Là, on va dire, c'est des mots, c'est des esclaves. C'est des esclaves, pas d'un roi. C'est des esclaves d'eux-mêmes. Ils voulaient exprimer, ils étaient des êtres créateurs, puis ils voulaient bâtir. Quand ils revenaient au rapport, ils disaient, écoutez, on aurait besoin de tant de personnes, ou on aurait besoin de tant d'argent, ou de ceci, ou de cela, il n'y avait aucun problème, parce que des êtres humains qui sont capables de partir immédiatement pour aller faire une mission, sont fiables. Fait que donne-leur l'argent, ils ne dépenseront pas. Tu sais, c'est des êtres convenables. Les êtres qui discutent sans arrêt, fais attention quand tu leur donnes de quoi. Pourquoi? Parce qu'eux vont exprimer de la pensée. C'est la pensée qui fait discuter. Parce que c'est intelligent, tu vois tout de suite. Si un chevalier aurait dit non, c'est pas ça qu'il faut faire, tout le monde aurait dit que tu as raison, c'est pas ça qu'il faut faire. Même si deux secondes avant, les gens étaient d'accord pour. Mais ça se met à discuter, c'est la pensée qui est communiquée. Alors là, maintenant, la paix est apparue. Les chevaliers viennent et commencent à compter leurs exploits du passé parce qu'il n'y en a plus dans le présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, de l'instantanéité, commence à se brancher la mémoire. Ça veut dire qu'il aurait fallu qu'ils continuent à avoir des problèmes pour les non, il aurait fallu simplement qu'eux décident leur mission. Ils se l'étaient. Ils se l'étaient limités. Elles n'étaient pas limitées. Ils se l'étaient limités. Ils ont mis ça sur la grandeur de l'île, par exemple, et un coup que l'île est bien. Même pas. Quand on aura un standard particulier à la grandeur de l'île, et voilà. On arrête. Mais il aurait fallu maintenant qu'ils inventent la machine à vapeur. Il aurait fallu qu'ils développent les arts, qu'ils développent la médecine, qu'ils développent les sciences, qu'ils développent ce qu'on continue à faire pour ça à travers le temps. Tu sais, dernièrement, tu pensais que tes missions étaient accomplies. Mm. Oui, mais c'est à cause d'une limitation psychologique ou réincarnationnelle qui fait qu'on pense que. Alors maintenant qu'ils discutent de mémoire, qu'ils discutent de passé, il arrive quoi? Il arrive que les personnes commencent à aimer leur peuple, mais ils ne sont plus capables de respecter leur peuple. Alors que l'amour intelligent, qui est un amour spontané, fait que tu respectes. Les gens tombent en amour. Ils sont tombés en amour, exactement. C'est le terme parce qu'ils descendent. Ils ne sont pas montés avant, ils étaient montés, là, ils sont tombés en amour. Ils étaient montés à cheval, ils sont descendus le cheval à jamais. Bon. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont commencé, donc justement, ils sont tombés en amour, ils ont commencé à aimer leur peuple. C'est le monde là-bas, du bon monde, puis ils parlaient, puis c'était bien correct. Ils sont devenus spirituels, et en devenant spirituels, ils ont perdu le Graal. Et c'est pourquoi le Graal a sacré son camp. Le Christ, c'est pas quelque chose que tu pries, puis que tu adores, puis que tu crois. C'est quelque chose que tu exprimes. L'individu qui ne peut pas l'exprimer, parce qu'il se sent trop médiocre, ou parce qu'il a trop de pensées chez lui, ou parce que, etc., ben nécessairement, il aura besoin de quelqu'un qui est en contact avec l'énergie christique, qui est l'énergie supramentale, qui est le Graal. Alors, eux, progressivement, ils ont fini par devenir des êtres spirituels, des êtres qui, bon, ben là, au lieu d'aller se battre contre la misère ou contre des ennemis, ils allaient à l'église. Puis qu'est-ce qu'ils demandaient aux prêtres? Ben, aux prêtres, aux crucifix, tout ceux-là, hein, aux gars qui saignaient, au Seigneur. Bon, qu'est-ce qu'ils demandaient au Seigneur? On ne pouvait pas lui demander que ça allait bien, ça allait déjà bien. Oui, mais ils demandaient des choses que j'ai connues à un moment donné quand je travaillais comme ambulancier. Je travaillais pour Urgence Santé, mais quand on allait en campagne, on se rendait compte que mal les ambulanciers étaient travaillés là-bas. D'autres étaient payés au voyage. Eux autres, leur travail, c'est de sauver des vies. Hein? Puis là, à un moment donné, il fait deux jours qu'il n'a pas d'appel. Je vais à l'église, s'allume deux fois au siège. Après ça, moi, il explique quelque chose, il faut que je fasse vivre mes enfants. Mais les chevaliers du Graal. Mais ça n'a pas promené en avant de l'ambulance à pied. Ah, c'est sympa, j'en connais, moi, qui montais cette fois pour aller chercher tout le monde. Ben, volontairement, là, mais j'en ai connu quelques-unes, on les ramenait chez eux, puis quand ça s'est arrivé, ah, oh, c'est l'ambulance, c'est une compagnie, puis. Tu vois, c'est comique. Et puis, les chevaliers ont commencé justement à aller à l'église et à regretter le bon vieux temps. Le bon vieux temps qui était le temps de la guerre? Oui, qui était le mauvais temps. Ah oui. Le bon vieux temps pour un égo, c'est toujours le passé. Quel que soit le temps, c'est le passé. Que tu aies une guerre, que tu aies n'importe quoi, c'est le passé. La jeunesse, c'est passé. Alors, ayant perdu le Graal, ben nécessairement, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que les chevaliers ont commencé à être capables d'être cohérents l'un face à l'autre. Ils sont devenus amis. La hiérarchie qui existait à l'époque des chevaliers, où on avait le roi, où on avait la reine, où on avait Lancelot, ben là, maintenant, on avait mon ami Arthur, mon ami Guenièvre, on avait mon chum Lancelot. Et puis là, on peut commencer à se dire des trucs que l'esthétisme ne permet plus. Et là, on va essayer d'inventer l'aristocratie barbare, qui est celle où on invente la politesse, un paquet de babelles qui n'ont plus rien à voir, uniquement pour camoufler le fait qu'on est rendu humain, qu'on n'est plus divin. Alors progressivement, ben là, il y a eu des dissensions, puis il y en a un qui a commencé à dire au roi que Lancelot était vraiment là à cause de la reine, puis des chicanes de famille, les feuillons, ils se sont battus, Percival est arrivé là-dedans, évidemment. Progressivement, le Graal s'en est en allé, et nécessairement, progressivement, la richesse s'en est en allé. Alors en Angleterre, quand les inondations ont recommencé, il y a eu des pluies, il y a eu des pertes de récoltes, le peuple a commencé à s'appauvrir. Les chevaliers, à un moment donné, Arthur était malade. Et il a fini par dire à ses chevaliers, écoutez, ben là, retrouvez le Graal, je sais pas ce qu'on a fait, là, mais on l'a bien fait en tabarnouche, il est parti loin. Fait qu'ils ont lancé la quête du Graal. Les paysans, le monde en Angleterre, les ont détestés, les chevaliers de la table ronde, parce que l'humain, c'est comme ça. Quand vous donnez, ils vous aiment. Si vous arrêtez, ils ne savent plus, puis si ça commence à s'en aller, ils vous détestent. Ça, c'est typiquement humain, c'est pas divin. Je dis dans... J'ai des notes là-dessus. Dans le film Excalibur, Arthur dit, quand il tombe, justement, il se fait foudroyer à un moment donné par la croix. Oui, il y a une énergie qui traverse une croix et qui vient frapper d'une face. C'est là que le Graal est carrément foutu. Arthur a commencé à dire, « Mon Dieu, redonnez-moi le Graal. Faites ceci, faites cela. » Alors qu'Arthur, ce qu'il devait faire, c'était se lever et l'exprimer. Il ne pouvait pas le quémander. Le quémandant est devenu encore plus spirituel, ce qui fait que s'il quémandait, il est plus honorable pour le recevoir. Alors, il faudra lui envoyer un prêtre, un quelqu'un d'autre. Parce qu'il finit par déléguer le pouvoir qu'il avait, la puissance qu'il avait, dans les mains de nulle part. Ah, c'est l'évêque Patricius qui était devant lui, qui était son guide spirituel. Là, où, mais c'est ça, il l'a guidé comme il faut. Il l'a guidé en plein fort. C'est pas du Graal. Il dit, le Graal sera notre rédemption. Fouillez jusqu'au tréfonds, tu sais, parce que trouvez-le. Et Perceval lui demande qu'est-ce qu'on doit suivre. Quels sont les indices qu'on doit suivre, puis il dit n'importe quoi. Les songes, les rêves, trouvez-le. Il n'y a pas de. Oui. Puis, sinon, on est fini. On est foutu. Une chance qu'ils l'ont trouvé. Mais ils l'ont pas retrouvé au Québec. Ah, c'est ça. Ils l'ont trouvé en Espagne. Bon, Perceval a fait la quête. Demandé, il s'est remonté au château du Graal. Et puis, il a rencontré le roi du Graal. Qui a posé la question, ben, le roi a posé la question, il dit, qui suis-je? Une grosse vibration. Imaginez-vous ça avec Fatou en pierre, avec un son stéréophonique. Alors, qu'est-ce qu'il répond, Perceval? Il lui dit, ben, au début, il ne sait pas quoi répondre, la première fois. Ça, il bafouille un peu. C'est ça. Après ça, il lui répond, tu es le roi du Graal. C'est ça. Lui, il continue, il dit, qui suis-je? Donc, ça n'a pas l'air d'être la bonne réponse. Après ça, il dit, tu es le roi Arthur. C'est ça. Tu es le roi Arthur, tu es mon roi, mon seigneur. C'est ça. Puis immédiatement, Arthur qui est en train de mourir. Ben, Arthur lui demande qu'est-ce que j'ai oublié. Pourquoi ai-je perdu le Graal ou la connaissance? Puis là, lui, il répond ben, c'est une terre, un roi. C'est simple. Pourquoi le Graal est au Québec? Absolument. Vois-tu ce qui. Bon, pour les questions tout à l'heure, vous les écrirez par écrit, on prend la deuxième partie. Parce que sans ça, on ne le saura pas enregistré. Puis on va y répondre de toute façon. Vois-tu, c'est que progressivement, ce qui est arrivé, c'est que l'Angleterre au complet, ben, le rôle fondamental de l'Angleterre, juste pour répondre brièvement, après ça, on pourra revenir un peu plus sur le phénomène du Québec. Le rôle fondamental de l'Angleterre, c'est d'initier une race qui est la race teutonique anglo-saxonne. La race teutonique anglo-saxonne, c'est la race mère qui va être capable de coloniser totalement les Amériques, donc les terres qui ne sont pas encore connues à l'époque. Et puis, quand les Amériques vont commencer à être colonisées, nécessairement, ce qui va arriver, c'est qu'on va naître en Amérique, on parle donc du Québec, évidemment, du Canada, des États-Unis, va naître progressivement la première sous-race de la sixième race mère. Le Québec lui-même, K-E-B-A-K, qui est le bouclier canadien complet, est connu depuis la plus belle lurette en Normandie. Et d'ailleurs, le symbole normand, c'est le fleur de lys, etc., va finir par être dessiné ici avec la croix. Puis la croix, c'est celle, justement, c'est la croix qu'on retrouve dans la mécanique d'Arthur lorsque, justement, il perd le Graal. C'est cette croix-là qui est en face de lui quand il finit par être foudroyé. Le Graal lui-même, c'est un phénomène christique. Puis, il a voyagé un peu partout à travers le monde jusqu'à l'époque d'Arthur. Le Graal va permettre d'unifier une terre, un roi, donc d'engendrer la race teutonique anglo-saxonne qui va finalement devenir une des grandes nations sur le plan planétaire. Elle va nécessairement, c'est elle qui va engendrer la race américaine. Les Américains, on sait très bien qu'ils sont un petit peu partout, hein. C'est invité chez vous, puis deux semaines après, c'est colonisé, en tout cas. Bon. Alors, les Américains, eux, progressivement, on sait que les Américains vont être le protecteur dans l'avenir du Québec. Puis quand on parle du Québec, on parle du bouclier canadien, bien que politiquement, c'est toujours centré un petit peu au niveau du Québec, du Québec actuel, du Québec politique. Le Graal, les Templiers ont été totalement bannis par l'Europe. La France et tout ça au complet ont voulu éliminer totalement les Templiers. Je saute sur des détails en ce qui concerne la religion et la royauté de l'époque. Et finalement, c'est dans un contexte anglais où il y a eu justement une région où les Templiers étaient les bienvenus. Puis c'est eux qui sont partis avec le trésor. Puis finalement, d'ailleurs, c'était dit en dernier par un des grands maîtres du Temple, c'est que le trésor du Temple est caché là où pas, jamais vous pensez à les fouiller. Ben, c'est au Québec qui est caché. Parce qu'à l'époque, si on était de l'Écosse ou de l'Angleterre, le Québec, c'était vraiment une terre indienne, éloignée. C'était la terre la plus parfaite parce que, premièrement, elle n'était pas anglaise à l'époque. Aujourd'hui non plus, en vrai, elle était en terre, tu sais, mais... Elle est anglaise un bout de temps. Ah oui, mais elle est en terre. Le Québec, c'est... Mais ésotériquement, de toute façon, le Québec, pour tous les individus qui ont suffisamment de connaissances ésotériques ou qui ont la capacité de fouiller dans l'astral ou qui ont des perceptions médiumniques ou qui sont le moins vraiment reliés un peu à la conscience fondamentale, le Québec, c'est le bouclier canadien, c'est la première terre de surface. C'est sur cette région-là qui n'a jamais été détruite par des tremblements de terre ou encore qui n'a jamais été balayée par un cataclysme à travers l'Hyperborée, la Lémurie, l'Atlantide, etc. C'est l'endroit où se réunissent à chaque fin de cycle majeur les êtres qui ont une génétique les plus évoluée. Alors, soit qui naissent au Québec, soit qui migrent vers le Québec, pour plusieurs personnes, c'est une terre promise. Nécessairement, les gens entendent parler ou inconsciemment, le mot Québec résonne quelque part chez eux. C'est pas le Québec politique, c'est tout l'ensemble du bouclier canadien au complet. Mais les gens viennent au Québec parce que, bon, inconsciemment, plusieurs personnes savent qu'ils sont Québécois énergétiquement. On parle pas de Québécois politique, là. C'est pas une question d'être nouveau monde ici, d'être noir, d'être blanc, d'être etc. Ça n'a rien à voir. Donc, historiquement parlant, ça a toujours été sur ce que les gens appelaient l'île Blanche ou le Mont Mérou. Bon, chacun a son mot, indépendamment des religions, des historiques. Le Québec, c'est l'endroit où naissent les premières sous-races des races mères. Donc, on parlerait de la race bleue, par exemple, si on veut se référer à l'étymologie des ésotériques traditionnels. Et c'est ce qui est en train de se faire présentement au Québec. Dans le sens de la connaissance, du savoir, de l'instantanéité que tu disais tantôt? Oui, le savoir, c'est toujours une démarche qui est spontanée, qui est instantanée. Ce n'est pas une démarche intellectuelle, ce n'est pas une démarche émotive, ce n'est pas une démarche spirituelle, ce n'est pas une démarche mémorielle. C'est une démarche spontanée. L'intelligence supramentale, donc le Graal, si quelqu'un peut l'exprimer, ça te permet toujours de savoir instantanément ce que tu as besoin de savoir lorsque c'est nécessaire que tu le saches. Donc, ça demande chez l'être humain l'absence totale de doute. Mais ça exclut nécessairement la confiance. L'humain ne peut pas avoir confiance. Est-ce qu'au niveau énergétique, on pourrait dire que le Graal est dans le Québec, et peu importe où on est sur la planète, dans le sens que si j'utilise Québec là, comme niveau d'énergie, parce que si la personne est capable d'exprimer l'instantanéité, le savoir ou tout ça, c'est un état d'être, un état de conscience. Est-ce que c'est nécessairement un lieu géographique ou si c'est un état d'être? C'est-à-dire qu'au niveau... Au niveau, par exemple, du peuple, le Graal, il est présentement caché dans les montagnes Tchik-Tchok. Il y a plusieurs personnes qui le savent. Il y a même des écrits, à un moment donné, qui ont été retrouvés en Europe, qui parlent justement d'un voyage de Templiers au Québec, dans les montagnes Tchik-Tchok, dans un des parcs en Gaspésie. Bon, le Graal, il y a les tables de Moïse. Il y a pas ça, tu as le plateau, tu as la rivière du Diable, tu as les portes de l'enfer, tous des noms qui sont là. Puis bon, ça mène jusqu'au lac Notre-Dame, enfin, finalement, qui est la mère protectrice des Templiers. Le Graal, mécaniquement, matériellement, il est au Québec, puis il a une tendance progressive. C'est un peu comme, bon, pour comprendre la chose, je dois spiritualiser un peu, c'est-à-dire qu'on va prendre des mots qui communiquent une énergie qui n'est peut-être pas tout à fait juste avec ce qui se passe, mais présentement, le Graal, caché dans le petit chat, est un peu comme un cœur qui commence à pomper, puis commence à travailler lentement. Alors, nécessairement, il y a une unité qui commence à apparaître au niveau du Québec. On reparlera d'une terre, un roi, bon, mais c'est la même chose. Quand Michel de Notre-Dame, puis quand d'autres personnages parlent d'un grand monarque, ils parlent finalement tous de la venue d'un grand monarque, et c'est au Québec qu'il va venir le grand monarque. Et de plus en plus, les érudits, du moins des prophéties de Nostradamus, puis de d'autres personnages, ont de plus en plus l'impression que c'est du Québec que va venir le grand monarque. Bon, une terre, un roi, on revient encore à la même chose. Le peuple québécois, c'est un peuple qui est intéressant parce que c'est un peuple qui a toujours été suffisamment, en guillemets, imbécile, pour se marcher sur les pieds. C'est un peuple qui n'a jamais su se tenir. C'est un peuple qui ressemble énormément à l'antique Angleterre. Et parce que le peuple n'a jamais su se tenir, le peuple n'a pas pu être colonisé. Si le peuple se serait tenu, il aurait pu résister, puis finalement, on aurait, avec des consensus, on serait fini par s'entendre pour se faire coloniser. On était totalement entouré, puis il y avait déjà une partie d'anglais ici. Par contre, vu que le peuple ne se tient pas suffisamment, chaque fois que c'est un peu comme les Amérindiens présentement, les Amérindiens, ils ne tiennent pas. Fait quand il y en a un qui dit « OK, on est d'accord pour telle affaire », l'autre dit « Oui, on n'a jamais rien dit de ça, puis on ne peut pas rien faire que ça. » Si le peuple se tient, on va pouvoir les assimiler, ou ils nous assimileront, en tout cas, où il y aura une délimitation qui se fera, mais il y aura une affaire qui va se régler. Là, on est dans un territoire bilingue, puis il n'y a pas, qu'on soit anglais, qu'on soit français, mais qu'on soit quelque chose. Parce que chaque d'autres langues après, c'est autre chose. Chaque individu est trop individuel par rapport à une colonisation. Ouais, on ne peut pas les collectiviser. Tout le monde vote pour le oui dans la tête, puis quand on fait des élections pour savoir si c'est oui ou non, ben là, ils disent non, mais ils sont tous pour, puis c'est fragmenté. Étant donné que c'est fragmenté, ça donne un avantage, c'est que l'individu est en moins collectif du point de vue national. Il y a un paquet de manipulations grégoriennes qui ne peuvent pas le ramasser. Donc, l'individu va développer plus rapidement une conscience individuelle. Ce qui va arriver, c'est que c'est des personnages qui ne sont pas capables de s'entraider suffisamment. Ils se jalousent sans arrêt. Ça crée des gros égos. Les gros égos vont créer des gros mentales, des intellects évidemment, mais des gros mentales surtout. Et progressivement, le Québécois va pouvoir entrer en contact avec l'énergie supramentale. Et ça, c'est pas limité au Québec. Il y a des explicités un peu partout sur la planète. Il y a du monde en France, en Europe, en Australie qui vont avoir des contacts aussi. Majoritairement, c'est au Québec que les choses vont se passer. Le Graal est donc au Québec du point de vue matériel, c'est-à-dire que la coupe est au Graal. Elle est au Graal, oui. Québec, c'est la même chose, c'est... La coupe est au Graal, c'est que le Chic-Choc est en Gaspésie. Non, la coupe est au Graal, c'est au Québec. Dans la question que tu posais, si on parle de l'énergie graalique, ou graalienne, dépendamment des étymologies qu'on vous remet, l'énergie du Graal, c'est de l'énergie supramentale, donc c'est de l'énergie christique, qui est le terme alchimique d'Esprit-Saint. C'est de l'énergie instantanée, de l'intelligence active. Alors, nécessairement, l'individu qui serait n'importe où sur le plan planétaire, qui soit à Tombouctou ou qui soit simplement en Somalie, la personne, si elle est chez elle, donc je ne parle pas, moi, d'être dans son pays, là, je parle si elle est capable d'être centrée dans son intelligence, ben nécessairement, elle est en contact avec l'intelligence supramentale, donc nécessairement, sa quête du Graal est totalement complétée. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que celui qui touche le Graal devra l'exprimer. Quand Arthur et sa gang ont cessé de l'exprimer, le Graal a créé son cœur. Le Graal, c'est de l'énergie christique. Ça a un défaut. Ça s'en va. C'est ça. Je l'ai dit en mots plus corrects que ce que tu as dit. En québécois, on dit ça crisse ton cas. L'énergie christique. Alors, c'est ça qui arrive, c'est que si tu ne te sers pas de cette énergie-là, nécessairement, elle t'aplatira complètement. Hein, j'ai connu un médecin à un moment donné qui a fait un séminaire, qui a fait le PMC, qui est rentré en PMC6. Puis, je lui disais souvent, écoute, faudrait que tu commences à exprimer ce que tu sais. Elle était vraiment brillante. T'en servir un peu, puis pas aider autrui, c'est pas ça l'idée, mais ça aide de t'en cacher. Elle va travailler, elle est normale, elle va chez elle, elle est normale, puis quand elle s'amorce seule chez elle, ben là, elle se rend compte qu'elle est correcte, mais ça sert à rien que l'intelligence connecte avec une humaine comme ça, parce que la personne n'en sert pas. Puis j'avais dit que c'est dangereux. Elle va soit finir par perdre le contact, mais elle était bien déconnectée, elle va finir par se faire claquer dedans par l'intelligence. Mais à un moment donné, ben c'est ce qui est arrivé, c'est le concierge s'est rendu compte qu'il y avait de l'eau qui coulait du deuxième ou du troisième, là. Et puis, ils sont montés en haut, puis la porte était ouverte, puis elle était dans son bain, l'eau coulait, puis la vie était belle. Alors, on s'est ramassé à l'hôpital pendant quelques temps, en psychiatrie. Et puis, elle marchait à quatre pattes, elle faisait ses besoins un peu partout. C'était pas un cadeau. Puis le pire, c'est qu'elle était totalement consciente de tout, elle était pas folle, elle était consciente. C'est un peu comme tu prends ton clodo, tu le verses à la tête, t'as pas le choix, t'es totalement conscient, t'es totalement fou pour tout le monde, puis toi, tu te rends compte de tout ce qui se passe. Et puis, c'est resté quelques temps comme ça. Ça, c'est l'enfer. Sur le plan, ça ressemble à ça. C'est ce qu'on appelle une friction entre l'astral et l'intelligence. Entre l'instantané et sa mémoire. Entre la réalité et la spiritualité. Alors, elle est restée comme ça quelques mois. Et puis, subitement, ben là, évidemment, ça s'est réglé comme il faut. Hein. Parce qu'il s'est passé des choses dans sa tête. Ça, c'est le genre d'évolution, justement, que l'humain peut encore risquer de faire. Quand on parle, justement, des martyrs, pas orgueux, des martyrs, là, ça fait pas partie du processus ascensionnel. Mais parce que l'humain résiste, à un moment donné, écoute, on le met carrément à terre, on doit l'amener, on vient encore, c'est trop en paix, on doit l'amener dans l'écœurement d'écœurement, on doit le faire descendre dans cette pilote. Oui. La spiritualité, il y a un moment donné qui disait que la religion, c'était l'opium du peuple. Il a marqué un point, lui. Et puis, pourquoi c'est l'opium du peuple? Simplement parce que c'est l'alcoolique, pour s'en sortir souvent, de descendre au plus bas fond du bas fond. Dans la religion, c'est souvent la même chose. C'est pourquoi c'est prévu qu'il va y avoir un apocalypse majeur, enfin pour les autres. Pourquoi avoir un apocalypse majeur? Pour que l'humain se rende compte que sa science ne le servira pas, que sa religion ne le servira pas, que rien ne va le servir. Sauf que lui finit par se dire, ben toi, Dieu, c'est ça, de lui casser la gueule, puis commencer à faire de quoi? Tout est dans les mains de l'humain. Puis même si l'humain dit, voyons donc, non, c'est dans les mains de Dieu. Bon, mais ça essaie d'attendre après lui. Ça fait 30 000 ans qu'on y est. Il n'y a pas l'air à bouger fort. Quand on dit faire les premiers pas, le ciel t'aidera. Il faut que tu fasses. Le ciel a fait les premiers pas. Fais le reste. On doit exprimer. L'humain sait déjà plein de choses. Bon, au lieu de chercher le Graal, de manière que tu me dis ça, en réalité, on n'a pas à le chercher, on a juste arrêté de le cacher. comme si on l'a, mais on s'en fait pas. On a l'intelligence, on a la capacité. Tous les êtres humains sont facilement connectables. Ils ont tous un ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée peut facilement se déconnecter du canal réincarnationnel, ce qui fait que l'humain va cesser d'être charrié toujours par... Si vous écoutez la télévision, à un moment donné, vous vous dites... Je pensais bien de chips. Ça vient de où, ça? La télévision, ça ressemble à un sac de chips. Mais non, c'est des charriages, manipulations qui passent comme ça. On appelle ça du coq à l'âne, mais c'est plus du... Maintenant, c'est du coq à l'âne. C'est du coco chip. Et puis, l'humain se fait charrier comme ça. Tous les êtres humains sont capables de se connecter. Lorsque l'ajusteur de pensée se déconnecte du canal réincarnationnel, l'humain est un petit peu moins manipulable. Il reste influençable par autrui s'il est sensible, son périsprit est trop mince, s'il n'est pas assez épais. Et progressivement, l'humain est capable, si un être humain décide de ne pas douter de ce qui se passe chez lui. Si l'être humain décide d'agir en face de la vie comme un chevalier qui part en conquête, là, c'est-à-dire que si vous décidez de ne pas avoir peur, si vous remettez, le chevalier remettait sa vie au service, il mettait sa vie au service de son roi. Ben, il disait son épée, mais tu sais, quand l'épée est cassée, la vie, quand il est en train de battre, ça vaut plus grand chose. Fait qu'il mettait son épée au service du roi, mais la vie était pas mal attachée après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on décide, par exemple, de comprendre le monde. Alors, pour comprendre le monde, quand je parle de monde, c'est absolu, au niveau de l'univers, disons du microcosme planétaire. On comprend des choses. Ça veut dire que vous devez essayer, vous devez risquer des choses. Le chevalier du Graal, c'est ce qu'il fait. Il risque des choses. Ça veut dire qu'il n'a pas peur de se tromper, parce qu'il sait qu'il ne se trompe jamais, parce que s'il fait quelque chose qui n'est pas correct, c'est parce qu'on travaille contre lui, c'est parce qu'on ne lui a pas donné les bonnes informations. Mais étant donné que l'humain est convaincu qu'il a les barbites, il souffre de culpabilité, ben nécessairement, il ne peut pas se lancer en quête comme ça. Si moi, je vous dis simplement, faites donc votre vie, vous savez, tant qu'à vivre, là, puis à mourir, c'est con. C'est complètement con. Bon, c'est con. Pourquoi on ne vivrait pas en essayant de minimum de comprendre, de faire quelque chose? Je ne parle pas de réussir socialement. Ça ne sert à rien de réussir socialement. Napoléon, c'est un génie, Napoléon. Vous pouvez aller, ça tombe aujourd'hui, puis cracher dessus, de le voir, il fera plus de rien. Ça ne vaut même pas la peine qu'il fasse ce qu'il a fait, puis Napoléon, c'est pas. Il avait aucun Bonaparte, tout. Il n'a pas sa vie à espérer des choses, puis il n'a jamais eu. Il a fait quelque chose pendant un certain laps de temps, mais ça, il n'a rien donné au niveau. Non, parce qu'il n'a rien accompli. Et il a répété des systèmes traditionnels. Il a répété des choses. Mais s'il avait accompli quelque chose, il fallait quand même aller sur sa tombe. Oui, je peux aller sur sa tombe, sauf que probablement que je n'irai pas cracher dessus. Probablement qu'énergétiquement, il ne serait même pas mort. Je parle au niveau de digestion dans le monde astral. Le corps physique, on s'en balance, le corps physique. Je ne parle pas du corps physique de Napoléon, moi je parle de Napoléon. Oui, Napoléon. Alors, ce qui arrive, c'est que vous vivez. Bon, à un moment donné, vous vous dites, je n'aurai le bol de vie. Ben non, vous vous dites, tiens, ça peut être bon que si je travaille une augmentation, puis peut-être changer d'emploi, ou ben non, peut-être que je me marie, peut-être que je me divorce. On cherche de quoi de bon. Et puis, là, on se dit, moi, mais d'un coup, je fais une gaffe, d'un coup, je fais pas le bon choix, d'un coup, c'est. Un pire choix. Ouais. Là, on pense, là. Dans la pensée, là, on en perd du temps, on en perd de l'énergie. C'est évident qu'il va se passer quelque chose si vous dites, ouais, mais chaque fois que j'ai. Une vibration me disant de ceci ou de cela, si je l'accomplis, je vais être instable en maudit. Ouais. Moi, j'appelle cela de l'instabilité. Il faut que l'humain arrive à un équilibre instable. Et un équilibre stable, c'est mort. Vous plus ça. C'est rien qu'à faire, mettons, par exemple, de l'aïkido, faire du judo, faire des choses comme ça. C'est un équilibre stable. Tu vois, ça ne fera pas grand-chose. Dans un mouvement, tu es en équilibre, toujours en mouvement. Le centre de gravité est toujours en déplacement. Tu es instable tout le long. L'être humain, il va se dire, oui, mais si je... Prenons un joueur de hockey. Le joueur de hockey, t'as la défense. Il se met à la défense avec son bâton, puis il attaque. T'as la défense, il tape, t'as la défense. Il s'en va pas au milieu, parce qu'il t'a la défense. Il s'en va pas non plus faire de l'attaque, t'as la défense. Il va pas à gauche, tenir les droits, t'as la défense, il tape. Lui, on sait toujours où ce qu'il va être. Fait, qu'est-ce que la vie a fait? Qu'est-ce que les autres joueurs font? Les joueurs adverses, ils vont pas là, il est là, lui. Bon. Ils savent que s'ils vont ailleurs, il ira pas. Un joueur de moins. S'il veut jouer au hockey comme il faut, faut nécessairement qu'il devienne instable dans sa position. Ça veut dire qu'il faut qu'il se mette à se déplacer. Et s'il se met à se déplacer, il risque de temps en temps de ne pas être à la bonne place. Mais s'il ne se déplace jamais, il y a des chances que de temps en temps, la bonne place ne soit pas aussi. C'est la même affaire. L'humain, là, qui fait attention, puis attention, puis attention, et fait probablement autant d'erreurs que celui qui ne fait pas attention à rien. Je ne parle pas d'agir, tu dis, bon, j'ai fait 5 000$, mais j'ai 5 000$ de billets de prix, puis j'ai perdu, ben c'est pas grave, je vais en prêter 20 000$. Puis... Ça, c'est de se faire manipuler à descendre. Quand je parle, moi, de vibration interne, c'est pas une vibration qui vous fait dire que vous devriez faire ci ou faire ça quand on fait des conneries. Souvent, les gens disent « ma première impression, c'était la bonne ». Il n'y a pas réfléchi, il n'y a pas de pensée dans la première impression. Ça, c'est grave. La personne, qu'elle doit faire... C'est un peu comme ce que tu disais tantôt, les ajustements en temps de guerre. En temps de guerre, ils ne pensent pas, on est en période de survie, puis c'est plus le temps d'agir ou de descendre à l'intelligence. Tu n'as pas le temps de penser, tu as juste le temps de descendre. Si tu veux gagner. Bon. Il va arriver, puis quand on parle de stratèges, souvent, les grands stratèges, là, c'est pas des individus justement qui pensent les grands stratèges. Ils regardent des belles, ils regardent des bebelles, puis ils disent c'est ce qu'il faut faire. Ils ne peuvent pas réfléchir à penser, ou etc., les stratèges. Jules César, il ne pensait pas bien, mais il disait quoi faire, puis les gens l'écoutaient. D'ailleurs, c'est souvent la même affaire. Napoléon était très bon parce que Napoléon, il dormait souvent, puis Napoléon, quand il disait bœuf, tout le monde, tu sais, on l'écoutait, ça finissait là. Il n'y a pas de grande discussion. Puis quand il commençait à discuter, c'est quand il commençait à être insécure, puis il a fini par perdre aussi. Il s'est ramassé à Waterloo. Ça fait une place pour vraiment aller. Alors, ce qui arrive, c'est que l'être humain se risquerait un peu plus. Puis quand je parle de se risquer un peu plus, ça veut dire que tu vis comme un joueur de hockey. Tu vis dans la vie, puis tu plantes. Dans l'action. Oui, tu plantes dans l'action. Évidemment, vous allez faire le devoir. Celui qui veut finir par, pas faire la quête du Graal, mais exprimer le phénomène christique. Donc, le phénomène de l'intelligence instantanée, ça ne s'exprime que dans l'instantanéité. Il s'arrête au complet, elle a continué à jouer. Ça fait que là, c'est plus dedans du tout. Alors, ce que l'humain doit faire, c'est que l'humain, il doit nécessairement s'arranger, s'efforcer, pour comprendre qu'un jour, il devra être comme un joueur de hockey. OK? OK. Parfait. Ça veut dire quoi? Être comme un joueur de hockey. Ça veut pas dire avoir un plafond, ça reste une armure. C'est pas tout à fait ça. On n'a pas besoin de ça quand on commence à être un petit peu plus intelligent. Il y a une inhibition qui se crée au niveau des dangers. Les dangers deviennent inhibés de t'attaquer. Ça veut dire que c'est le problème. T'as plus besoin de te battre. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que la personne, elle doit apprendre à jouer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit prendre une décision quand la vibration l'amène à prendre sa décision. Puis si elle trouve que c'est pas tout à fait ça, c'est pas grave. Elle en prend une autre, puis elle en prend une autre, puis elle en prend une autre, puis elle en prend une autre. Ça va finir par être totalement en équilibre instable. Puis comme j'ai expliqué souvent, c'est que la vie, puis les attraits qu'on a. La personne à part, par exemple, d'ici, elle doit aller vers la lampe. Elle dit, mon but, c'est d'être la lampe. Bon, ça peut être d'être riche, ça peut être d'être marié, ça peut être d'avoir des enfants, d'être un père ou d'être une mère, ça peut être, bon, bien des choses. La personne à part, elle commence à se diriger vers ça, puis rendue à un moment donné, elle finit par voir quelque chose d'autre qui l'attire, ce qui fait qu'elle se dit, bon, mais là, je change d'idée ou pas. Oui, mais tu sais, je m'étais dit, puis mon but, c'était d'arriver à la lampe, puis... Mais pendant que la personne, elle se met à penser, elle pense, et progressivement, qu'est-ce qui arrive? Bien, à force de penser, elle finit par se ramasser trop loin de la jonction. Elle ne peut plus aller. Imaginez ceci simplement. Imaginons ceci. Non, mais il faut comprendre les choses. Quand ça fait des années, vous cherchez quelque chose et vous le trouvez, vous êtes un peu content. Hein? Correct. Alors, voyons. Vous partez d'un chemin, vous vous dites, je m'en vais vers la lampe, puis rendu à la jonction, pas si tu m'as réfléchi et pas pensé, finalement, parce que tu n'as pas suffisamment de spontanéité, tu traverses la jonction. Hein? Vous prenez là en automobile, là, vous arrivez à une fourche, là, vous roulez lentement, vous dites, peut-être que c'est ici. Là, vous passez tout droit. C'était dans l'œil. Vous passez tout aussi. Hein? OK. Là, vous passez tout droit. OK. Là, qu'est-ce qui arrive? Là, vous vous dites, Kim, ça peut être là. Là, dans votre automobile, vous prenez le chat pour quatre fossés, vous essayez de rattraper la fourche. Quand l'humain, il dit, ouais, mais je me suis risqué, là, puis je me suis cassé la gueule. C'est pas ça, risqué. Parce que c'est pas le temps, hein? Quand c'est le temps, change. Là, tu médites, tu réfléchis, puis à un moment donné, c'est plus le temps. Mais là, il faut que tu reviennes en arrière. On ne peut pas revenir en arrière dans la vie. En automobile, on peut, pas trop pire. Dans la vie, on ne peut pas. Alors là, ce qu'il faut faire, il faut t'attendre la prochaine fourche. Hein? Oui, mais elle va t'amener où? C'est pas grave où elle va t'amener. L'important, c'est peut-être quelque part. La prochaine, là, ça me fait passer bien gros au travail que je fais. C'est la prochaine. Oublier ça, c'est pas bon. Quand t'arrives au moment de prendre la prochaine direction, comme t'as manqué la précédente, là, t'apprends avant qu'elle arrive. Tu présumes qu'elle arrive. Je dis, c'est pas bon. Oublier ça, c'est pas bon. Il tourne avant. Il prend le fossé pareil. C'est vrai, tu le prends pareil. Parce que là, tu dis, hey, je viens de me faire planter une fois parce que j'ai oublié de regarder la sortie. La prochaine fois que je vais voir que ça commence à ressembler à une sortie, je vais tout pour me. Je la manquerai pas dans le. Comme tu mets un chandail à soir? Non. Pour avoir l'air? Non, c'est parce que quand il se met à faire chaud, je remonte mes manches. Ah, c'est une bonne idée. Bon, on continue. C'est important, donc, effectivement, que l'humain... Bon, le Graal est au Québec, ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, que non seulement le peuple québécois est l'un des peuples les plus chanceux actuellement sur la planète, ça veut dire que l'être humain aurait intérêt, pour lui, à s'arranger pour appliquer au maximum ce que c'est que de l'intelligence. c'est ici. Présentement, il y a un... Oui? T'es chanceux, chanceux. C'est chanceux dans l'absolu, là, mais égoïquement, c'est pas vraiment chanceux. C'est parce que tu... Ben, c'est lui qui le sait pas, là, qu'il y a un Graal, puis qu'il y a de l'intelligence, puis qu'il n'a pas de problème, lui. Mais non, c'est sûr qu'il n'a pas de problème. Tu fais de conneries, il fait toujours la même affaire. Puis... Quand ça, si tu veux un jour en disant, tiens, il va commencer à me conscientiser aujourd'hui, là. Non, c'est ça. Bon, fait que le gars ou la fille. Je l'ai levé en me disant, je vais arrêter de me conscientiser. Oui, souvent. Mais ça a quand même marché. Ça marche pas pareil. Parce que justement, le gars ou la fille, ça, il dit pas à un moment donné, bon, il sait pas que le Graal est là, il sait pas qu'il y a une génétique pour rentrer en contact avec l'intelligence. Il sait pas que réincarnationnellement parlant, il est quelqu'un d'autre que juste un amas de chair qui dit Marie, Joseph, Pierre, etc. ou Charles. Bon, il sait pas. Mais à un moment donné, typiquement... Il s'appelle pas Charles. Dans ces pays-là, il n'y a pas de nom de même. Oui, c'est Charles Attin. Charles Attin. Bon, oui, Charles Attin. C'est vrai, c'est pas dit qu'il était, c'était Charles Attin, mais Charles Attin. Mais c'est les deux en réalité, parce que demain, quelqu'un qui attend, c'est Charles Attin. Bon, t'attends après quelque chose. Tu attends après ta réponse. C'est ça. Ben, arrête de me couper. Pas celle-là. OK, l'autre. Je sais. Ah, il arrive ceci. C'est que l'individu, qu'est-ce qu'on disait? Je me veux pas. Non? Bon, on va continuer le bord. L'individu, c'est... T'arrêtes à me couper tout le temps aussi. C'est télépathique, hein? C'est dangereux, ça. Bon. C'est une plaie, passe à son grand danois. Bon. Il pensait pas, là, il pense. Bon. Bon. Ça résiste l'avenir, là. L'être humain qui avance, l'être humain qui veut fonctionner, tu dis simplement, bon, l'être humain qui ne sait pas, qui ne sait rien, il est bien heureux, il est bien, etc. L'être humain n'est pas plus heureux. Les êtres humains, là, ceux qui se droguent, ceux qui se saoulent la gueule, ceux qui se battent, ceux qui s'engueulent, ceux qui disputent, ceux qui, en tout cas, bref, l'humain, n'est pas conscient de l'intelligence supramentale. Mais ceux qui se droguent et qui se gèlent, etc., là, c'est pas justement parce qu'ils ont une bride de conscience qu'ils non, font ça. Non, c'est justement parce qu'ils veulent ceux pas. Ceux qui n'ont pas du tout d'un petit pays et cachant quelque part. Ah, mais j'ai rencontré des pays cachant quelque part. Ben, Christy, ils droguent pas, ils n'ont pas besoin de se droguer. C'est ça, ils marchent, puis il y a une tarentule qui s'accroche, puis il y a un scorpion. C'est compliqué, pareil. Oui, ben non, à un moment donné, il y avait des c'est ça, hein. Des arbres à fourmiller, parce qu'à un moment donné, il a fait des trucs avec la voisine. Là, ben, on l'attache après un arbre, puis on tape sur le tronc, puis des fourmis rouges qui montent dans les feuilles. Et ça crée de l'acide formique, là, ça brûle la peau lentement, puis le gars il se met à crier. Un autre, ça sent prendre l'acide. C'est logique là-bas. Mais il y a le problème. Pensez-vous que lorsqu'on vivait à l'époque de l'homme et de la femme des cavernes, on était tellement heureux que c'est pour ça qu'on a développé une société comme la nôtre? On était épais, puis épais, sans maudit de bord. Si le paradis terrestre, on se promène tout nu, là, puis il peut jamais, puis des lions qui bouffent de l'herbe, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de carnivores. C'est. Merveilleux, c'est impeccable. On fait quoi à soir? Rien. C'est ça. Comme d'habitude. Aller aux pommes, peut-être. C'est arrivé. Les pommes, on est allé au cas. Yeah. Quand elle va venir à dedans dans la pomme, ça va bien commencer. Ben, c'est ça. D'ailleurs, il y a plein. La comptabilité qui est arrivée à cette époque-là, d'ailleurs. Regarde, les problèmes sont arrivés avec les pompes, là, maintenant les pommiers sont au cas, puis regarde ce qu'il y a. Mais tous les problèmes sociaux datent d'être là, la comptabilité, l'argent, la finance. Parce que les pompes? Oui, quand Adam a dit à Eve, écoute, tourne une feuille, je veux faire une entrée. Ah, mais c'est la comptabilité, ça, là. C'est pas coloré ce que je dis. C'est la finance, l'argent, puis ça se part de cette époque-là. C'est pas ça qu'Arthur voulait faire advenir la feuille d'érable. C'est ça. Il n'y a plus d'entrée, c'est pour ça. Bon. Mais, donc, si on en revenait à l'intelligence, c'est un Graal au Québec, c'est pas... Vous savez, rire, ça fait partie du Graal. Les chevaliers riaient, s'amusaient. Rire, c'est être joyeux. C'est spontané. Recommencez à rire, voir. Mais non, riez pas. Et mémoriellement, retrouvez le même plaisir que quand vous riez. Vous serez jamais capable. Mais tu as fait l'amour, tu peux rêver, tu as vu des beaux paysages, tu peux nostalgiser, tu peux essayer de nostalgiser le rire, vous ne pourrez jamais. C'est-à-dire, nostalgiser, vous ennuyez des individus avec lesquels vous avez ri, mais essayez de revibrer le rire dans, incapable. C'est de la spontanéité, c'est de l'énergie christique. Parce qu'être connecté, c'est pas d'être à la face plate, puis... c'est pas être connecté à la bonne place. Mais comment ça se fait que... On est nombreux ici, je sais pas combien qu'on est là. On est nombreux ici. 80 quelques. Si t'as un individu qui est vraiment 80 astral, minutes ou en tout cas de que ça peut baisser l'énergie tant que ça. D'une salle de 80%. Non, c'est pas vrai. Ou l'inverse, enlève-le puis ça remonte. C'est pas vrai. Là, c'est quoi d'abord? Pourquoi? Puis je l'ai déjà dit à ton gars. Pourquoi toi, quand tu rentres dans une classe où ce que du monde pas correct, faut que tu deviennes comme eux autres? C'est eux autres qu'il faut qu'ils deviennent comme toi. Un gars arrive dans une salle, puis la salle devient comme le gars. Ça, c'est le problème de sa planète depuis tout le temps. Pourquoi c'est pas le gars qui devient comme la salle? Pourquoi c'est toujours ce qui a un peu de forme qui va finir lentement par se déformer pour s'associer et s'ajuster, je tire, à ce qui est de plus bas? Parce que les forces, on parle c'est facile d'aller dans la strade que d'aller dans le supramental. Oui, mais pas avec une puissance, ça dépend des individus. Moi, ça ne m'a pas dérangé du tout, j'ai aucun problème là. Sauf que pourquoi on parle d'entropie, c'est tout tend vers le repos. Sauf lui, qui ne tend pas vers le repos. Plus ça va, moins il y a de temps de se reposer. Sauf que la conscience, l'énergie, c'est une illusion qu'on a. L'humain est tellement médiocre qu'il est toujours en train de penser. On prend une personne qui fait de la méditation, elle est en train de méditer, elle met sa petite musique à moineau, elle ferme ses portes, elle décroche son téléphone, puis là, elle s'assoit dans sa petite chaise, puis elle commence à mettre son petit encens, tu sais, bon, elle fume pas elle, reste dans l'encens, ça pareil, pas trop. Puis là, elle écologique, elle commence à méditer. Puis à un moment donné, ça cogne à la porte. Mais la méditation, c'est un paquet d'énergie qui revole et qui décolle, c'est comme si des cristaux de diamants qu'elle est en train de voir, elle se transperçait subitement. Là, elle est toute irritée. C'est à cause du facteur ou de la factoresse. C'est le facteur qui fait qu'à un moment donné, tout ça le prix. Le facteur temps. C'est ça. Mais c'est pas ça. En réalité, c'est que la personne, elle n'est pas capable de construire. On parle d'énergisation, puis en PMC, on parle d'énergification. L'individu doit être capable d'arriver à s'énergifier. Ça veut dire à se créer un corps suffisamment puissant énergétiquement pour être capable de totalement se centrer sur elle. On a vu un peu de lors de la conférence sur la musicothérapie comment on peut arriver à une centricité, disons, un minimum planétaire. L'humain doit se centrer. Si l'humain est centré, il arrivera n'importe quoi autour. Tu vas le centrer, ce qui arrive autour. Dans ton exemple de facteur puis de méditation, est-ce qu'on peut dire que la personne qui essaye de faire de la méditation ou qui fait de la méditation pour être calme est à la quête du Graal, puis celle qui reste calme, même quand le facteur a sonné, elle est le Graal? Ben, si tu restes calme même quand ça sonne, puis l'autre qui devient pas calme quand ça sonne, si tu vas faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir qu'il monte. Lui, t'as la quête du Graal. Hein? Graal, c'est toi. Même si un courtier à la bourse qui est là, en train de faire de la méditation transcendantale, il respire comme il faut, il joue ouvert un peu, il regarde son écran, puis là... C'est de la méditation, mais tu te montres comment ça fait de la méditation, quoi? Ça monte lentement, puis s'il investit, ça monte lentement, puis là, il respire, puis au bas. Puis là, il répète ses mantras, tu sais, dollar. Non, mais chacun a ses mantras. Comme ça, c'est US dollar, US dollar. Ah, ben, OK. Là, lentement, quand ça commence à descendre, là, qu'est-ce qui arrive avec sa méditation? Elle prend le bord. Ouais. Elle décolle, elle descend avec sa ligne. C'est ça. Parce que c'est pas la méditation qui contrôle l'humain. C'est pas l'humain qui contrôle la méditation, c'est tous les événements qui arrivent. La courbe, c'est d'habitude, c'est inversement proportionnel à ton rythme cardiaque. Elle monte, ton cœur baisse. Ça descend. Absolument, parce que le cœur, il est très. Ben, quand le cœur accélère pour rien, c'est sous les effets émotifs, il est relié au système endocrinien. Hein, il y a 4 catécholamines, entre autres, qui sont sécrétées pour le faire l'organiser. Puis uniquement, c'est une expression de la psychologie. Puis la psychologie, c'est l'astral. Bon, en partant, c'est la même chose. L'humain doit totalement se désassujettir des phénomènes extérieurs. Quand on dit devenir son seul maître, le maître contrôleur à bord de sa vie, le maître contrôleur de sa vie intérieure, c'est ça. Quand il plonge, il a le but. On ne dit pas rien d'autre, on ne fait pas de positif. Non. Ah, il pleut. Ah, ben c'est quand même bon, la pluie, parce que ça sert à. C'est franchement, regarde-moi l'autre, là-bas qui force. Il est allé jouer au golf, tu sais, mais il trouve une bonne raison. Oh oui, c'est les grenouilles, il en a besoin, puis c'est bon pour les vols de terre, puis c'est ferme la don. C'est assez le fun maintenant, je regarde dehors des pieds, puis je trouve ça le fun. Oui. Puis j'ai juste à regarder, puis. Constat. La personne, elle me dit, ben non, c'est parce que c'est vrai, c'est bon pour les grenouilles. Puis là, moi, je leur dis des fois en séminaire, c'est parfait, bon. Puis ici, mon verre, quand tu l'as vu, tu te dis, ah, c'est un verre, ça, c'est pratique, mettre de l'eau là-dedans. Puis, c'est bien, puis, c'est non. Mais quand tu parles de la pluie, là, c'est ça que tu fais. Fait que viens pas me dire que c'est vrai qu'il y a des verres avec des scies. Il y a du monde qui font en séminaire, ils font la même chose. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Oh, ben, j'étais curieux, venez voir, ça va de l'air. J'étais à Barnouche, tu sais, 350 piastres, tu conviens pour venir voir, ça va de l'air. Tu rappelles pas le bord de la rue, c'est gratuit, tu rappelles voir, ça va de l'air. L'humain, il se met sans arrêt, puis le Graal, pourquoi le Graal? Chez l'homme, chez la femme, chez l'enfant, de la misère à s'exprimer, c'est uniquement parce qu'on se refuse toujours tout. Tout à l'heure, la personne a dérangé. Elle ne dérangeait pas. Elle dérangeait. Non, il y a du monde qui se dérangeait. Bon, qu'est-ce qui arrive simplement, c'est qu'il y a toujours chez l'être humain l'être humain est pluriconstitué. Puis là, il y a, la majorité des personnes ont reconnu des mécaniques chez eux, là, qui sont pertinemment chez eux. Je ne dis pas que les personnes, ils sont exactement comme le personnage. Ce que je dis simplement, c'est que les personnes, on pourrait en parler longtemps, mais chaque fois que quelque chose nous dérange de l'extérieur, c'est parce qu'on projette une partie de nous autres. Puis ça, ben, ça nous dérange de le reflet. Fait que tu détruis le miroir. C'est ce que j'en parlerai plus. C'est pas qu'on parle de toi. C'est ça. Avant de finir, parce que je sais que ça achève. Ben non. Je voulais que tu... je l'ai noté pour ne pas l'oublier, puis là, je ne sais plus où je l'ai mis. Mais je sais c'est quoi. Ça valait la peine de passer ça. Arthur, quand il boit dans le Graal, c'est-à-dire après que Perceval lui amène, il boit dans le Graal, puis il dit, là, c'est assez, là, de avant, j'ai considéré Lancelot comme mon vainqueur, j'ai considéré Geneviève comme ma honte, j'ai considéré Mordred comme mes fautes, mes défauts, là, c'est assez, maintenant je deviens roi, moi j'aurais remplacé ça par je deviens moi, là, en tant que... C'est la même chose, mais lui c'était le roi. Lui c'était le roi, donc je redeviens roi, puis eux autres, c'est tout, il dit pas ça de même, mais je redeviens moi, puis j'arrête de me nourrir des autres ou de me servir des autres, mais qu'est-ce que pousse le plus un peu. OK. Ce qu'il faut faire, attention à ce que je vais répondre. C'est correct que je vais répondre, mais ça ne s'adresse pas à tous les individus. Ça s'adresse à une catégorie d'individus, mais tous les individus peuvent devenir cette catégorie d'individus. Mais on ne peut pas jouer avec ça. Je dis souvent, moi, que tant qu'on est relié à l'ère ancienne, donc aux lois archangéliques de l'évolution, tu vas réussir quand ça va être le temps. Ça vaut pas bien de te casser la tête, tu vas arrêter de fumer, mais c'est dans 5 ans. Arrête, force-toi, travaille comme tu voudras, puis dans 5 ans, tu vas réussir. Fais rien pour arrêter, dans 5 ans, tu vas arrêter quand même. Quand ça va être le temps, ça va être le temps. Dans les lois reliées à l'ère aquarienne, à l'ère du Verseau, les lois qui sont plutôt reliées à l'être nouveau, ça va être le temps quand tu vas décider de le faire, d'accomplir. Arthur, c'est ce qu'il décide. À un moment donné, Arthur, il dit, bon, l'astral, ben là, il parle évidemment, bon, de Geneviève, c'est ceci, c'est lui. Il a dit simplement, Lancelot, c'est une partie de moi, c'est mon ceci, Geneviève, c'est ma, cela, etc. Puis à partir de maintenant, là, c'est plus ça, plus du tout, je vais redevenir le roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne serai pas celui qui va attendre que Geneviève, ça lui plaise que, ou que Lancelot arrive pour prendre une décision, ou qu'un autre fasse ceci, ou qu'un autre fasse cela, ou qu'on fasse un meeting tout le monde ensemble. À un moment donné, c'est pas ça du tout. Dans ma propre vie, je peux et je dois redevenir le roi. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand le roi va dire « je veux ceci », ben, ça va être le temps que ça se passe. Alors que là, vu qu'il avait perdu le Graal, lui, avant de commander, il attendait que ça arrive. Il attendait que le temps arrive, alors qu'il pouvait le commander, le temps. C'est ça. Alors quand il dit je suis le roi, je dois redevenir le roi ou je redeviens le roi, c'est ça. C'est qu'à l'époque où tout fonctionnait, il y avait une terre, un roi, il y avait un bonhomme qui dirigeait. Mais évidemment, c'est sûr que c'est pas uniquement de diriger en tant que monarque. C'est diriger simplement en tant que monarque intérieur, être son maître contrôleur. Ça veut simplement dire rendu à un certain niveau. Il y a des personnes ici qui sont rendues à un niveau de conscientisation. L'évolution fait partie de l'ère ancienne. L'évolution, ça, on comprend pas. On accumule de la mémoire, de l'écœurement, des désespoirs, de l'espoir, pas quelque chose. Puis on en arrive à un moment donné à commencer à conscientiser. Dans l'évolution, il y a l'apprentissage, puis il y a la connaissance. Tu apprends par essai erreur, puis tu mémorises, tu deviens sage. Dans la conscientisation, tu conscientises. Tu n'as même plus besoin de loi. L'être humain qui conscientise est au-delà des lois. Par exemple, il y a une grande partie des citoyens qui arrêtent au feu rouge parce que c'est la loi. Alors qu'il y en a quelques-uns qui arrêtent parce que c'est intelligent d'arrêter. Bon. Celui qui conscientise n'a pas besoin de loi, par exemple, tu ne tueras pas autrui ou tu honoreras ton père ou ta mère qui sont honorables. Il n'a pas besoin de loi. Pourquoi il n'a pas besoin de loi? Uniquement parce qu'il est maintenant conscient, il est au-delà des lois. Et quand on dit au-delà des lois, ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement commencer à tuer, à voler. Il n'a plus besoin de la loi pour le limiter. L'être humain qui arrive, qui traverse, qui commence à faire partie de l'ère nouvelle réellement, donc l'être humain qui est un être nouveau, même s'il est transitif, là, il touche un peu à l'ère nouvelle, il pourra, mais il devra à un moment donné faire exactement comme Arthur, c'est de se dire, mais là, écoute, je vais arrêter d'attendre l'occasion, je vais arrêter de ceci, je vais arrêter de cela, mon père, j'aimerais faire sa volonté. Il ne passera jamais rien. À un moment donné, il faut que tu accomplisses la chose, parce que c'est pas dans ta pensée que ton père va te parler. C'est dans ta gestuelle, puis dans ta vie, dans l'accomplissement des choses. Arthur attendait d'avoir les réponses, il n'y en a pas de réponse. Quand Arthur va commencer à dire et à faire les réponses, tu vas te rendre compte que là, il est rebranché. Les questions, les réponses vont arriver en même temps. Oui. On fait une petite pause. Si vous avez des questions, on va les écrire sur n'importe quel sujet. Et puis, on va y répondre.